Lorsque les grands pianos dansent le firmament, que la beauté brille dans les yeux du miroir, quand le matin se pose sur tes rêves de géant, tu vois brûler l'eau vive. Tu vois brûler l'eau vive et l'amour se répand. Lorsque grandit en nous la féminité, qui fait vieillir l'adulte, qui veut former l'enfant. Quand le jour émerveille l'homme sans tradition, celui qui par l'ennui engendre le créer. Quand tu peux voir la main qui dessine le jour, pour le fou qui délire mais qui sait l'harmonie, quand tes dérisions plient sous bonheur toujours. Ailleurs meilleurs se rejoignent ici. Lorsque le bonheur est fidèle à la vie, que l'imaginaire hante encore nos greniers, quand tes pensées sont rêves à travers l'infini pour posséder le monde, pour posséder le monde, il suffit d'un sourire. Posséder le monde, il suffit.